You are listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis-Saint-Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI, 90.3 FM à Minneapolis-Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. Bonsoir, bonsoir. So, tonight, this is me, Freddy. And Romain is in Wisconsin. Yeah, I know. He's brave. And Adrian's back, but just back. So, maybe he'll be back sometime soon. On the show, I mean. He's already back from the from France. So, so that's going to be another night full of new tracks from like RFI, Radio France Internationale, which we have a partnership with, and that's going to be a lot of songs in French and new, less new, from people known, less known. So we just have to enjoy these 2 hours of music. No interview tonight. I'll talk about the events a little bit later for what's coming up. The most important thing that's coming up is my birthday anyway, so you just need to know that. And yeah, so we're going to do that, and I'll be back. As usual, anytime, if you want to contact us, feel free to get us either on Facebook Messenger or bonjourminnesota@gmail.com. We're going to listen to Sarki Chic Arash with a song called C'est la fin, it's the end. Then Arma Jackson with Tu sais que, you know what, and Opinard, and it's in one word, because Opinard like, could be like in two words, and that would be like for about the wine. Pinard is slang for wine. And the name of the song is Parisienne High Level, and that's self-explanatory. All right, so feel free to follow us on Facebook, Instagram, and we have a website, Bonjour Minnesota. .com. So, all right, on y va. Un peu de nous avant la fin du monde, c'est ce que disent les amants. Un peu avant que ça commence, puisque les mots c'est important. Un peu de nous avant la fin du monde. Un peu, beaucoup, passionnément, respirer du bout des doigts, main dans la main, tout ira bien, main dans la main ou pas. Un peu de nous. Avant la fin du monde, bien qu'elle soit blanche jusqu'au matin, les nuits ne seront jamais assez longues pour se quitter et s'en trouver bien. Un peu de nous avant la fin du monde, des pages blanches et quelques esquisses dessinées. L'air de rien, un trait qui glisse sur un bout de sein. Le temps d'en rire et c'est déjà demain. C'est la fin, c'est la fin du jour. Quand l'ivresse et l'amour semblent s'en mêler. C'est la fin, c'est la fin autour. Quand le temps s'est arrêté. Il y a le monde qui se replie, et ça ne s'arrête pas. C'est de la sème à l'abri, des quatre coins de leurs draps. Tu dis les gens c'est ma patrie, mais ma patrie c'est toi. Nous voilà sans dessus debout, c'est du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin du jour quand l'ivresse et l'amour semblent s'en mêler. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin autour. quand le temps s'est arrêté. On est en esprit. J'évite les gros pixels quand je suis fan moi. Je vise le top, c'est pas pour arrondir les fans moi. Il faut que le top et moi on repart du bon pied. Ils peuvent pas nous éteindre, c'est nous les pompiers. Ben je sais que je suis le seul qui peut te combler. Ben je sais que je suis le seul qui peut te. Elle pose un millier de questions. Mais ce qui nous lie, ben je le vois aussi. Elle cherche un millier de raisons. Mais ce qui nous lie, ben je le vois aussi. Quand tu me trouves beaucoup trop froid, tu dis que je m'éloigne de toi. Au fond tu sais que et quand tu doutes encore de moi, tu dis que je pense à d'autres femmes. Au fond tu sais que si love de toi baby. Baby, j'aime comment tu endors mon esprit. Je prends le temps, je te caresse en douceur en esfice. Et quand tu fais semblant de me craindre, t'es sexy. Quand tu fais semblant d'être dans le dos, d'être sceptique. T'aimerais que je montre que c'est toi qui m'inspire. Inspire, que j'apaise douleur que tu t'infliges. Inflige, que je prenne un peu le temps que je m'implique. Tu le sais déjà tout ça, bé. Elle pose un millier de questions. Mais ce qui nous libère, je le vois aussi. Je cherche un millier de raisons, mais ce qui nous libère, je le vois aussi. Et tu le vois aussi. Quand tu me trouves beaucoup trop froid, tu dis que je m'éloigne de toi. Au fond, tu sais que. Et quand tu doutes encore de moi, tu dis que je pense à d'autres femmes. Au fond, tu sais que. Je me sens bien et je trouve ça lourd. Elle m'a dit qu'elle a vu bien trop de salauds dans sa vie. Me parle sans cesse des plages de salauds. Mais tant qu'on est de même à Quimper, elle trouve ça lourd. On pourrait même sauter dans le vide à deux. Je connais chaque aspect de son visage. Elle rend si joli mon paysage. Elle me rend taré, elle me rend fou avec son parfum. Part sur Pinterest. Elle parle sans arrêt, mais ça m'intéresse. Souvent à moitié, et je la traite comme si c'était le plus beau tableau de Vinci. Parfum Dior, elle sent si bon, elle est chic à la mort. Je peux en dire long sur elle. Elle fait partie de celles qui sont bien au-dessus d'échelle. Parisienne high level. parfum d'or. Elle sent si bon, elle est chic à la mort. Je peux en dire non sur elle. Elle fait partie de celles qui sont bien au-dessus d'échelle. Parisienne high level. Voilà, voilà, you're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddie. And we just listened to Arash Sharkenik with C'est la fin, Sharkishik, sorry. And then after that, it was Alma Jackson with Tu sais que. And just now was Opina with Parisienne High Level. Or High Level. And we're going to keep on going. Tonight is going to be music, music. And we're going to listen to Berries with Du Temps, Sometime. And Clarica with Ce Soir Je Sors, Tonight I'm Going Out. And Emma Peters, or Emma Peters, with Multicolor. On y va. J'ai verrouillé la fenêtre, j'ai voulu me rencontrer, désiré de tout mon être, repéré de la bonté. J'ai essayé de m'attendre, j'étais toujours à l'aller. Je renaissais de mes cendres et retourne me brûler. Invente-moi du vin pour tout éteindre. J'ai cessé de me méprendre sur la saveur d'un baiser, sur une erreur que mon tendre serait sans doute effacée. J'ai arrêté de me vendre, j'étais toujours épuisée. J'ai failli ne pas entendre ce que tu m'as murmuré. Invente-moi des bras. Invente-moi des bras J'ai décidé de me rendre, je ne peux plus résister, je ne fais plus rien comprendre, tu pourras tout dessiner. Je ne vais rien entreprendre, je n'ai plus rien à prouver. Invente-moi du temps, du temps, du temps. pas un homme pour en un père, mon cœur se serre. Et si demain tout est fini, je m'en fous ce soir, je suis en vie, je suis en vie. Et je parle aux étoiles et je leur dis on va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Ce soir je sors. Et la misère. Le ventre à terre n'est qu'une chimère. Un courant d'air. Je la peur qui gronde quand ça bascule en une seconde. En une seconde. La ville décalquée au Karcher, sur le pont des arts il pleut fort. Des mouettes sans l'odeur de la mer. Salut de haut, un pigeon mort, je cours encore. Et si demain tout est fini, je m'en fous ce soir, je suis en vie, je suis en vie. Et je parle aux étoiles et je leur dis on va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Ce soir je sors. Je prends les armes. Je mets à mort les doutes, le chaos dans mon crâne. Sur le quai de Montebello, j'attrape le sourire d'une passante, le bleu de ses yeux. Morito chante l'espoir. Alors je danse. Je m'en fous ce soir, je suis en vie, je suis en vie. Et je parle aux étoiles et je leur dis on va s'en sortir. On va s'en sortir. Et si demain tout est fini, je m'en fous ce soir, je suis en vie, je suis en vie. Et je parle aux étoiles et je leur dis on va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Que l'aurore pointe à l'heure, le jour distribue ses couleurs. Je mets ma robe, couleur du temps, et je m'endors dans mon lit trop grand. Chez toi tu restes là, tu n'oses pas. Même à ton meilleur pote, qu'est-ce qu'il dira? Dans ton petit village, tout le monde se connaît. Faut pas foutre la honte à ta famille modèle. Oh là là, la vie c'est tes ennuis, ça on te l'a trop dit. Tu n'y crois même pas, ta vie tu la vois comme ça. En multicolore, de plus en plus fort. Montre-leur et va dehors des multicolores. Multicolore, de plus en plus fort. Montre-leur et va dehors. ça ne t'atteint pas. Tout est normal, t'es amoureux, tu ne choisis pas. Et fais une pause, t'as quelque chose de plus que ces gens-là. Oh, t'as le droit de prendre qui tu veux dans tes bras. Oh là là, la vie c'est tes ennuis, ça on te l'a trop dit. Oh là là, toi tu n'y crois même pas, ta vie tu la vois comme ça. Support for KFAI comes from the Dakota, presenting Talib Kweli in concert Saturday, August 2nd. Internationally known hip-hop artist, entrepreneur, social activist, and half of the duo's Black Star and Reflection Eternal, Talib Kweli returns to the Dakota with his latest release, The Confidence of Knowing. Critics are hailing The Confidence of Knowing as a return to the old-school feel of earlier Talib Kweli albums. Opening the show is Brazilian-American hip-hop artist Nico Iz. More information about Talib Kweli with Nico Iz at the Dakota is available at dakotacooks.com. Et voilà, voilà. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddy. And feel free to support KFAI by giving. We are like in a We're not in a dire situation yet, but when, if the federal funds are being cut, KFAI is going to be probably in financial trouble. I'm not sure. But that is going to be, announced at the time that it's happening too. So for now, it's more like conjuncture, but if you like our radio, just know that 70% of the donations, 70% of the budget is coming from donations of people. So that's important. We just listened to three songs called one from Berries with Du Temps, or Some Time, Having Time. Clarica with Ce Soir Je Sors, Tonight I'm Going Out. And Emma Peters with Multicolor. And we're going to keep on going with songs from Radio France Internationale that was available for us to play. So we're going to listen to Jessie B, or Jessie B with Moi Aussi, Me Too. Then we're going to listen to Joker. And Joker is a play on word. It's like joke, but with air instead of the regular spelling of Joker, A-I-R. And then, well, the song is called Cramé. And Cramé is like burned. And then we're going to listen to Queblack with Aucune Attache, No String Attached. All right, on y va. Yeah. pas besoin de phonèmes, mais du crédit tous les jours, ça pomme. J'avance sans reculer, tu me traites comme un bébé sans te mentir, chérie, ça pomme. Ne sois pas étonné que je prenne de l'avance, car tes jeux t'aiment laissé des pannes. À 5h du mat, il fait froid, tu sais. J'ai Mike et Lisa qui sont chauffes. Mato, tout est noir dans mon cœur, tu sais. Bekabanja, Nibaturi, Timarambandi, Amame, Bekabanja, Nibatala, Beka, Kenanyandi, tu le sais. Depuis qu'ils ont cassé les côtes, ils se croient au sommet. Certains de se mentent beaucoup dans ton rap, mais le succès s'en moque. Et le succès s'en moque. Hey. Tu parles de la concu c'est quoi? Hey. Tu parles de la concu c'est qui? Hey. Tu parles de la concu c'est toi? Hey. J'ai mes bails dans mon coin, la grosse tête dans mon jeu. Je fais sur une prod et je plane sans en prendre. J'ai plus le temps, je suis pressé, maintenant tout est précis. Sans que la pression monte, certains m'apprécient. Je sens que la pression monte, certains m'apprécient. Je sens que la pression monte, certains m'apprécient. Enchanté, moi c'est Jesse B, tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi. J'ai de Brazza ici, tout est bien, la musique est bonne et bien moi aussi. Excusez-moi, j'ai déjà vu quelle part, tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi. Moi aussi, ah ouais, moi aussi, ok. Enchanté, moi c'est Jesse B, tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi. J'ai de Brazza ici, tout est bien, la musique est bonne et bien moi aussi. Excusez-moi, j'ai déjà vu quelle part, tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi. Moi aussi, ah ouais. Okay. Allô, t'es où? Je te vois pas, tu m'appelles en fuite avec toi, je me vois pas dans ça. Je suis bien sur ma FIFA avec le King et Wing, le gars toujours frais et il sait danser. Le gars n'est pas si moche que si, mais pas si moche que si, sort les mailles dans son caisse. Je pousse comme Eve, non, je suis pas ta réponse, donc allez-y, posez-vous des questions. Quand t'intéresse, ce genre de sang les intéresse, car toute table est mise en terrasse. J'ai visionné tes rêves, j'ai vite compris ce qui t'intéresse. Danger s'il s'occupera direct, le fit n'est pas terrible. Et beaucoup de potes m'ont déçu, j'ai la tête dans mon bol de ma dessous. Est-ce que je suis une fille assez décente? Et c'est le demain dira l'en dessus. Enchanté, moi c'est Jesse B, tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi. J'ai de Brazza ici, tout est bien, la musique est bonne et bien moi aussi. Excusez-moi, j'ai déjà vu quelle part, tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi. Moi aussi, ah ouais, moi aussi, ok. Enchanté, moi c'est Jesse B, tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi. J'ai de Brazza ici, tout est bien, la musique est bonne et bien moi aussi. Excusez-moi, j'ai déjà vu quelle part, tu t'en rappelles pas, pourtant moi aussi, ah ouais. Incroyable, chaque moment avec elle est agréable. Here we go again comme dans San Andreas. Tout est meilleur quand elle est là. J'en ai les mains juste pour elle et moi. Drogue sur drogue, shot sur shot. On est comme Rihanna et Rocky à New York. On s'en va sous les lights et on baisse dans le noir. Petit à petit on se fait l'amour. Je commence à ne plus compter ma monnaie. Je m'en fous de façon c'est avec elle que je vais mourir. Hey, hey. Main dans la main devant tout le monde. Je laisserai jamais se mettre entre nous. Jamais jamais, hey. Si je m'enflamme, je vais cramer. Brûler la gueule comme Michael. M'immoler devant ses beaux yeux. Calciner le pâté de maison. Incendier toute la région. Force consumer le monde. Si tu déclares ma flamme, ton âge les ont cramé. Si tu déclares ma flamme, ton âge les ont cramé. Si tu déclares ma flamme, ton âge les ont cramé. Ma flamme, ton âge les ont cramés. Si je déclare ma flamme, ton âge les ont cramés. Si je déclare ma flamme, ton tâche reste de cramer. Je me suis perdu, non. Sans elle, je peux pas, non. Je me suis pas plus, ouais. Elle me suit partout, ouais. Elle me parfume, ouais. Je l'aime un peu trop, ouais. De plus en plus, elle inspire ma plume. Chaque ligne par une, elle mérite ma thune. Parce que c'est ma muse, ouais. Elle m'a eu quand elle s'est mise à demi. Elle m'a ému, maintenant je n'ai Dieu que pour son cœur. C'est comme fumer un joint dans une station service. Lui dire ça c'est comme fumer en forêt en pleine canicule. Je suis un pompier pyromane, c'est elle que je sauverai si ça brûle. Hey, hey, oh, oh. Si tu déclares ma flamme, ton âge risque de cramer. Si tu déclares ma flamme, ton âge risque de cramer. Si tu déclares ma flamme, ton âge risque de cramer. Hey, hey, oh, oh. Si tu déclares ma flamme, ton âge risque de cramer. Si je déclare ma flamme, ton âge risque de cramer. Si je déclare ma flamme, ton âge risque de cramer. Entre nous y'a aucune attache, on fait nos bails au final. Apparemment ça te convient pas, alors chacun fait sa life. Tu crois que je vais te courir après tous mes efforts mais tu n'écoutes pas. Tu sais dire que ok, au final tu n'écoutes pas. Entre nous y'a aucune attache, on fait nos bails au final. Apparemment ça te convient pas, alors chacun fait sa life. C'est fort quand tu me regardes en face et que tu oses me dire que je suis pas non. C'est fort quand tu mens dans les yeux et que tu me dis oh non y'en a pas une autre. Tu sais on s'aime comme on peut, donc cessons de parler de nous. Non je vais pas culpabiliser quand je suis pas là, tu te fais monter par un autre. Entre nous y'a aucune attache, on fait nos bails au final. Apparemment ça convient pas, alors chacun fait sa life. Entre nous y'a aucune attache, on fait nos bails au final. Apparemment ça convient pas, alors chacun fait sa life. Chérie, tu m'as pris de vitesse. On voit plus de Céline, c'est plus comme avant. Pas besoin d'une antisèche pour savoir que je suis avec une autre quand je réponds pas. On s'attache, c'est ça le concept. Faire nos bails en discret, c'est ça qu'on aime. On le fait dans la chambre ou la 407. On se donnera des nouvelles si ça fonctionne. Entre nous, y'a aucune attache. Je suis dans la 407. Entre nous, y'a aucune attache. Pas s'attacher, c'est ça le concept. Dis-moi autre chose, mais dis pas qu'on s'aime. Dis-moi autre chose, mais dis pas qu'on s'aime. Non, je vais pas culpabiliser quand je suis pas là, tu te fais monter par un autre. Entre nous y'a aucune attache, on fait nos bails au final. Apparemment ça convient pas, alors chacun fait sa life. Entre nous y'a aucune attache, on fait nos bails au final. Apparemment ça convient pas, alors chacun fait sa life. Support for KFAI comes from the Landmark Center, presenting Music on the Courtiel. Live musical performances taking place over lunch hours every Wednesday through August 13th. Wednesday, August 13th, Ray Bonneville takes the stage. Musical raconteur and Juno Award winner Ray Bonneville always strips bluesy Americana down to its roots. The noon to 1 p.m. concert is free and open to the public. You're welcome to bring a lunch and enjoy the show. More information for Ray Bonneville at the Musser Courtiel is available at landmarkcenter.org. Et voilà, voilà. I am back. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio, a show that exists since the early 80s, but that have changed through times. Tonight is a special, I mean, it's RFI special, like Radio France Internationale. They make available, it's a partner radio, and they make available some newer songs. So most of these ones are like from 2024. And we're going to keep on going for the rest of the show. We're here until 10. I say we because often we have co-hosts, but I'm here until 10. Tonight I'm by myself. We just listened to Jesse B with Moi Aussi, or Me Too, Joker with Cramé, or Burns, and Que Black with Aucune Attache, No String Attached. And we're going to keep on going with Laurent Barden. The name of the song is Meilleur, or The Best, and it's featuring Jeanne Hadid, which was rewarded a couple of years ago with Victoire de la Musique. She's great. Then we're going to listen to Raphaël with Heure Sup. So Heure Sup is overtime. Heure is hours or time, and Sup is short for supplémentaire. And we're going to listen to Esprit Noir, and there's a play on word on his name, because instead of Esprit, Esprit, the name, E-S-P, I'm mixing the French and English, I'm sorry, E-S-P-R-I, he spells it S period P-R-I, and Noir like black. And the name of the song is Kawasaki, featuring Laylow. All right, on y va. Thank you. Les nouvelles du jour ne sont pas bonnes. Guerre à l'est, effet de serre, qualité de l'air dégradé. Serré dans le métro, serré au cou, je défais mon col. État du jour impliqué, les marques sous les visages ont des marques. Pas assez de richesse, trop de désir, pas assez de bonheur pour tout le monde. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Il paraît que le bonheur, c'est du vol. Je fais des heures sup d'amour, d'amour. Le sang à l'heure, il faut bien que quelqu'un meure. Je remonte chez moi, j'allume les infos, se plonge tout droit dans les égouts. Je regarde l'heure, tu n'es pas là. J'imagine ce qui pourrait arriver, non, n'imagine pas. Dehors, il pleut sur ceux qui n'ont rien. Serré dans les tentes, sous le métro aérien. Ferme les yeux, déjà non, ne les ferme pas. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour. Des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Il paraît que le bonheur, si tu veux. C'est la nuit, qualité de sommeil dégradée. Je sors sur le balcon, tout est englouti par l'horizon. Une sirène au loin, c'est presque demain. Il paraît que le lithium se dissout dans les étoiles. Il paraît que le soleil se lèvera un jour pour tout faire cramer, pour de bon lance-flammes. Moi, moi. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Ciel. Prête à s'envoyer comme une meuf du haut ciel. Sur le corner, je fais les hausses, tu connais. Tu connais Kawasaki, 240 chevaux sous la Kawasaki. Y'a la petite qui m'appelle. J'viens d'encaisser ma paix. Laisse la pousser ma peur. La pousser ma peur. T'emmène vers le fond de la terre. J't'encaisser ma paix. En équipe comme un sorcier. Puis tu veux du goûti goûti, hey. Je suis en honte d'échapper devant la boutique. La génada mais bientôt je fais tout nickel. Quoi tu me crois pas? Non j'ai pas moi. Fais-moi tourner même si je l'oublie après. J'aime quand tu fais les traits, j'aime bien quand tu t'apprêtes mais... Avec esprit on échange immobilier. Genre business, business, technique, splinter cell. Lunettes, fusion, ciné comme Scorsese. Des minutes j'écoute Neptune sans Cortez. Je peux le faire encore, encore mais bon. Chaud au ciel, prête à s'envoyer comme une meuf du haut ciel. Sur le corner, je fais les housses, tu connais. Tu connais Kawasaki, 240 chevaux sous la Kawasaki. Y'a la petite qui m'appelle. J'viens d'encaisser ma paix. J'arrive tout de suite, classique, Gucci, flashy. Même du Versace, sous mon Versace. Gucci, flashy. Gucci, flashy, Gucci, flashy. L-A-Y-L-O-W S-P-R-I-N-P-M-W. Jamais sans mon C-R-E-W. Jamais sans mon C-R. L'embaumeur c'est la go. Tu me fais penser à elle. J'aime quand tu fais la go. Comme les mannequins dans elle. C'est moi et mes assos. Nous on contrôle la boîte. Le man fait ce qu'il a à gauche. Je vais le rentrer la droite. T'inquiète, ok. Quand ça pousse, il m'appelle. Je sais même plus c'est laquelle. Elle fait vider ma paye. Elle fait vider ma taille. Elle fait vider ma what. C'est une pussy like. Au ciel, prête à s'envoyer comme une meuf du haut ciel. Sur le corner, je fais les housses, tu connais. Tu connais Kawasaki, 240 chevaux sous la Kawasaki. Y'a la petite qui m'appelle. J'en ai encaissé ma paix. Hey, hey, hey, this is Dallas Goldtooth here, and you're listening to Fresh Air Community Radio at KFAI 90.3 FM online at kfai.org. Keep listening, keep vibing, have a good time. Hookah! Hello, hello. So this is indeed KFAI. It's Bonjour Minnesota, and I'm here. This is Freddie. I'm here from 8 to 10. We just listened to three songs. Laurent Bardin featuring Jen Added with Meilleur, not best. Raphaël with Ursup or Overtime, but he's talking about Overtime of Love. And Esprit Noir with Kawasaki featuring Lay Low. And we're going to keep on listening to, you know, fairly recent songs. There was a lot of R&B and a bit of rap and some more pop. We're going to listen to Solar with Quelque chose a changé, Something has changed. Then Tiwoni with Paradise and Marion Roche with La Bête au Ventre. And La Bête au Ventre is like, I mean, it's a song I discovered and I listened to it, and it's a very moving song because it's a really, I mean, it's a story of a girl who's in foster care, and she's growing up without her dad that she idealized, and her mom was not often there and is always absent, and she's growing in between, you know, being a preteen to a teenager and things like that. So La Bête au Ventre mean the beast in her belly, and it's like the rage that she has against life, society and everything. So all right, on y va. Yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. On rêve tous de ce coin de paradis, vivre d'air pur, de mélodie, une palette de couleurs quand l'horizon est gris. Chacun veut trouver son paradise, son paradise. Oui, ce coin de paradis, libre, affranchi des interdits, un refuge pour le cœur et l'esprit. Chacun veut trouver son paradise, son paradise. On travaille 24 sur 7 comme des forçats, condamné à perpète, chaque jour est un con. S'interdire la défaite, la seule issue ici-bas. Mais l'histoire se répète, le baron ne se scie pas. Programmé sous disquette, les robots marchent au pas. Consultent les étiquettes et remplissent le cabas. Même là où tout s'achète, la liberté ne se vend pas. Si l'homme a perdu la tête, l'espoir ne se perd pas. De voir ce coin de paradis, vivre d'air pur, de mélodie, une palette de couleurs quand l'horizon est gris. Chacun veut trouver son paradise, son paradise. Oui, ce coin de paradis, libre, affranchi des interdits, un refuge pour le cœur et l'esprit. Chacun veut trouver son paradise, son paradise. Aussi l'attendre d'être là-haut pour apprécier la vie et échapper au chaos, apaiser nos esprits, alléger nos fardeaux. Tout est déjà écrit, ne sommes-nous que des numéros, des têtes dans le troupeau, chacun son Eldorado. Frérot, baillonne ton bourreau, façonne tes idéaux, quitte à repartir de zéro. T'as besoin de personne pour devenir ton propre héros. Tes rêves sont devant toi, pas dans le rétro. On rêve tous de ce coin de paradis, vivre d'air pur, de mélodie, une palette de couleurs quand l'horizon est gris. Chacun veut trouver son paradise, son paradise. Oui, ce coin de paradis, libre, affranchi des interdits, un refuge pour le cœur et l'esprit. Chacun veut trouver son paradise, son paradise. La fin justifie les moyens, n'ont pas besoin de chercher loin. Pour trouver le bon coin, cherche au-dedans de toi, ton destin se trouve dans tes mains. Ici de l'obscurité jaillit la lumière, y'a moyen de trouver le paradis dans cet enfer. Il ne tient qu'à toi de faire ce qu'il y a à faire. Lève-toi et reste fier. De ce coin de paradis, vivre d'air pur, de mélodie, une palette de couleurs quand l'horizon est gris. Chacun veut trouver son paradise, son paradise. Puis ce coin de paradis, libre, affranchi des interdits, un refuge pour le cœur et l'esprit. Chacun veut trouver son paradise, son paradise. Madame, faut pas me parler comme ça, madame. Elle va te sauter au visage, madame. La bête que j'ai dans le ventre. J'ai 8 ans, je connais pas les embrassades du soir. Au foyer, j'ai pas de câlin. Mais m'après un cauchemar, mon père, c'est un héros, même si je le connais pas. Et ma mère, une princesse, et moi j'adore être dans ses bras. Ma mère, je la vois souvent, presque 2 fois par mois. Elle me promet des trucs comme bientôt on partira. Elle dit qu'il faut pas pleurer parce que je suis grande maintenant. Même si je la verrai pas à Noël et Nouvel An. Alors non, madame, faut pas me parler comme ça, madame. Elle va te sauter au visage, madame. La bête que j'ai dans le ventre. Je deviens forte, je suis une gosse de foyer. Je vis avec des bâtards plus forts qu'il faut pas trop chauffer la nuit. Des fois je me barre par la fenêtre d'en bas. Mais je sais pas où aller quand dehors il fait trop froid. Mon père est peut-être bien mort, toujours silence radio. Et ma mère elle vient plus trop, elle m'envoie des cadeaux pour mon anniversaire. Est-ce qu'elle me prend pour une crevarde? Je vous jure que ça me rend dingue, mais j'ai envie de la voir. Je me bats, je mords, j'insulte et je pisse encore au lit. Mais j'ai pas peur du sang, et quand je pleure, je vais sous la pluie. Alors non, madame, faut pas me parler comme ça, madame. Elle va te sauter au visage, madame. La bête que j'ai dans le ventre. et je vais sortir du foyer un tout petit peu plus dur que quand j'y suis entré. Tout me paraît dangereux, mais je vous le dis, j'ai peur de rien, moi. Je suis plutôt chienne des rues que caniche à coussin. Ma mère s'encarre de moi si on avait encore un doute. Mon père, ce blaireau, peut bien y se faire foutre. Je ne suis qu'une fille de juge, une orpheline de passage qui sort de son enfance comme d'un putain de voyage. J'ai un cancer à l'âme et derrière mes yeux bleus, un océan de larmes et de la rage pour deux. Alors non, madame, faut pas me regarder comme ça, madame. Elle va te sauter à la gorge, madame, la bête qui vit dans ma cage. Non, madame, faut pas me parler comme ça, madame. Elle va te sauter au visage, madame, la bête que j'ai dans le ventre. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM, Minneapolis, St. Paul, and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. You can call us at 612-341-0980 while the music is playing, or email us at bonjourminnesota@gmail.com. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI, 90.3 FM à Minneapolis, St. Paul, et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. And this is Freddie, and tonight we just listen to like new songs. A lot from 2024, so I don't know if they are completely new, but still they are fairly recent, thanks to Radio France Internationale, or RFI, which is a partner radio in France. We just listened to three songs. The first one was Solar Project, with Quelque chose a changé, Something has changed. Then after that it was Tiwoni with Paradise, or Paradis. And Marion Roche just now with La Bête au Ventre, The Beast in My Belly. And I'm gonna talk a little bit about the events, because there are some coming up. And then I'll talk about the news, not really all the news, just some of the news. Opening night reception of Les Ménageries de Deux Artistes, an exhibition by Don and John Curry. And it's the opening reception on Thursday the 24th between 5 and 7 p.m. at the Alliance Française, 227 Colfax Avenue North in Minneapolis, Minnesota. And it's the opening night reception of the exhibit on July 24th. And for the sister and brother, Don and John Curry, explore their shared passion through painting, sculptures, and drawing, bridging two countries and two languages. The exhibition will be available to view at the gallery until August 23rd. But it's always nice to come to the opening because you can talk to the artist. And there's no cost or no fee that I can tell. Ciné Club, les goûts et les couleurs, the taste and the colors. It's happening at the Alliance Française on Friday, July 25th, between 6 and 8 p.m. So it's the Alliance Française is 227 Colfax Avenue North, Minneapolis, Minnesota. And it's about Marcia, a passionate young singer who's recording an album with her idol, Dira Jan, a rock icon from the 70s who suddenly disappears. To release the album, she was convinced the heir, Anthony, a small-town market vendor who's never liked his distant relative, let alone his music. Their two worlds clash between good and bad taste, popular and chic, sincerity and lies, unless love happens, of course. And it's often donations accepted. So if you want more detail about the two previous events, you can go to afmsp.org, go to the events. And on Saturday, July 26th, between 1 and 2 p.m. and 2 and 3 p.m., so 1 and 2 p.m. is Bonjour Japon, Hello Japan, Visite Guidée au MIA et en Français. So it's at the Minneapolis Institute of Art, and it's a guided tour about Japanese art and the influence he had on French art in the 19th century. So that looked pretty interesting. So you have to go to afmsp.org to RSVP. And yeah, check it out because it's often full. So it could be sold out. I mean, it's usually a small group, you know, like a dozen or so. And from 1 to 2 p.m., the visit is in French. But from 2 to 3 p.m., the visit is in English. So yeah, that's the same tool. Still talking about Japanese art and the influence on France and French artists. And one of the things I wanted to talk about also, because it's the season, the Tour de France. So for those who aren't interested in bikes, but even people who are not that interested in bikes, looking at when you watch the Tour de France, I believe it's streaming on Peacock these days in the US, you know, they often have like helicopter views or drone views, and typically the sightseeing is gorgeous. Today was Le Mont Ventoux, Le Mont like a mountain. It was a stage 16 in Montpellier between Mont Ventoux, and the winner is a French guy. So that's pretty cool. It's Paris Peintre, and Pogacar is still yellow. Still has the yellow jersey. So the yellow jersey is the winner of the general, you know, classement or the general time. And then there's the green one. The green jersey is for Milan. Is from an Italian called Milan, and the green jersey is for the sprinter. And the polka dot jersey is for the climber, and it's also Pogacar who's getting it. So you can go to letour.fr, and there's a small flag, a British flag, if you want to the site in English, and you can see the videos and things like that. So I thought I mentioned that because, yeah, it's the season, and it's going to end soon. I don't know exactly when, but that usually ends in Paris, in Les Champs-Élysées. If we talk about sports, we can talk about Paris Saint-Germain, and I was very disappointed that Chelsea won for the World Cup of Club, but they did Paris did a fantastic season, and winning the Champions League was a big feat. So they are still very great despite that. So we'll see next year if they do better. And we're going to keep on listening to music. We're going to listen to Saint-DX. The first song we're going to listen to is called Tout Perdre, Losing Everything. And the second song is Jamais Vu Le Jour, Never See the Light of Day. And then we're going to listen to a band called 47 Terre, 47 T-E-R, or Terre. And the song is called Jad, or J-A-D. And yeah, and then I'll come back after that. On y va. Ça fait combien d'années que je n'ose jamais tout dire? La triste vérité, je préférais m'enfuir. Je ne regrette rien, ni le temps passé, ni ce que je deviens. L'heure a enfin sonné, je peux plus me regarder sans rien dire. J'en ai perdu tellement. Je me sentais comme un acteur au milieu des gens. Des fêtes, j'étais triste, les nouvelles en vrai, je n'ai pas osé le dire. J'ai préféré fait m'enfuir. Je me suis pas préparé au pire. Je peux pas rester sans rien dire plus longtemps. J'en ai perdu du temps. Il en a perdu du temps. Maintenant, oh, je veux vivre. Je encore un réveil sans toi, just another day. Y'a quelqu'un à côté de moi, c'est juste un autre date. Si tu reviens, je laisse tout, ça vaut pas la peine. Si tu reviens, je baisse tout, sans toi c'est pas la peine. On y a chopé le monde à deux. Just another day. Just another day. On y a chopé le monde à deux. J'demande à Dieu, s'il te plaît. Un nouveau jour t'es parti, nouveau tour dans la partie. Le jeu recommence, les règles et les sentiments s'éparpillent. Je me demande lequel m'ira le mieux. Je verrai ça quand j'irai mieux. Dans tous les cas, je me promets de part, ça c'est le passé comme tous les vieux. Au final, je crois que je vis ma best life. On perd des points de vie à toujours être en jet lag. Si seulement j'avais pu te faire découvrir ce monde là. Si seulement j'avais pu, j'ai raté ce move là. Encore un réveil sans toi, just another day. Y'a quelqu'un à côté de moi, c'est juste un autre date. Si tu reviens, je laisse tout, ça vaut pas la peine. Si tu reviens, je baisse tout, sans toi c'est pas la peine. On ira choper le monde à deux. Just another day. On ira choper le monde à deux. Je demande à Dieu s'il te plaît. Je me sens mal depuis que je me sens aussi bien. Ton bonheur, dis-moi où est-ce qu'il en est. Je m'en veux de ne pas avoir pu l'emmener. Loin de tes pensées noires qui s'en mêlent. Je pensais te faire aimer la vie en vrai. À faire la night, se sentir léger. Cœur enneigé, suivez le plan. Là, je fais de la maille et putain, je me sens BG. Plus jamais obligé de faire semblant. Et pour le vivre, de faut d'abord le vivre tout seul. Prends pas la mer, un bateau si t'es sans boussole. La victoire, ce serait que tu retrouves l'envie de toi. Et plus tard, tu m'imagines avec toi. Encore un réveil sans toi, just another. Et quelqu'un à côté de moi, c'est juste un autre date. Si tu reviens, je laisse tout, ça vaut pas la peine. Si tu reviens, je baisse tout, sans toi c'est pas la peine. On ira choper le monde à deux. Just another day. On ira choper le monde à deux. Je demande à Dieu s'il te plaît. Support for KFAI comes from the Cedar Cultural Center, presenting Summer at the Cedar 2025. Summer at the Cedar is a series of free outdoor evening concerts on the Cedar Plaza every Wednesday through August 20th. For the sixth concert of the series, the Cedar presents the Brews Wednesday, August 13th. This nine-piece band invites audiences to dance, celebrate, and connect with their trademark sweaty soul music. More information for Summer at the Cedar presenting the Brews can be found at thecedar.org. Et voilà, voilà. Je suis de retour. I am back. This is Freddy. Bonjour Minnesota on KFAI Radio. And we just listened to three songs. The first two ones was from Sandy X. And they were a little bit on the sad side. The first one was Two Paired, or Losing Everything. And the second one was Jamais Vu Le Jour, like it never happened, never see the light of day. And it's in relation to like a breakup where he sees his lover like everywhere, in like all the things of the daily life, and he wishes that it would have never happened. Sounds a little bit like Eternal Sunshine of the Spotless Mind. And then it was 47 Terre, so or 47 Terre, and Terre is one way, so I'm not sure what I'm saying right now. Like, I need to get confirmation, but in Paris, there are numbers, like street numbers, and you got, like, let's say the 47, and then they destroy a building and they make two or three other buildings instead of one big fat one. Well, you already have a 48, so, or a 49, whichever. So therefore, they can't really like sneaking a number because it's already taken. So what they do is they use 47 bis, 47 bis, B-I-S. And if there's a third one, which doesn't happen as often, is 47 Terre. So, and their first album of this band from the Paris region was also called L'Adresse, or The Address, and it goes well with the 47 Terre. So the name of the song was J-A-D, and it stands for Just Another Day. We're going to keep on going, and we're going to listen to two songs from Laetitia Sadier. And she's from the band Stereophonics, and they were Laetitia Sadier was in the Twin Cities like a couple of years ago, and she's coming back this fall because she's going to be there with Stereophonics with their new album. The first song we're going to listen to is Pensée l'inacceptable, and Pensée is not spelled like thinking, P-E-N-S-E-R, but like pensée, like it's an A, P-A-N-S-E-R, and it means like put a band-aid on it or put like some gas on it, you know, like kind of fixing something. And then the second song is called La Nageuse Nue, The Naked Swimmer. And then we're going to listen to a song from Soprano, from the south of France, from Marseille. And the name of the song is C-24, C-24. I don't think it has anything to do with Battleship, but who knows. All right, on y va. Thank you. C'est vraiment ce qu'il y a dans ma tête, à part là et mon crew. L'état de mon cœur à force d'encaisser les coups. Toujours debout malgré la vie et ses mistral gagnants. Même si j'avoue qu'avec le temps je suis plus le même qu'avant. Déjà 20 ans, très peu de rides sur le visage, 2-3 cheveux blancs. Et beaucoup de rimes en haut des charts, fidèles aux miens. Comme Mikasa et son écharpe, mais je souris moins depuis qu'on est trois dans les psychiatres. J'ai le cœur au même endroit sur la carte. Ouais Marseille, j'ai mis 100 comme Bjorn à 4-4. Tu sais des quartiers nord à Notre-Dame de la Garde. Personne ne joue avec les mêmes cartes. Entre les bâtiments qui s'écroulent et les cafards dans les apparts. Numéro des crews et les calages qui parlent grave. Des têtes jusqu'au cou, les coups de pression du courrier. Les coups de blues des parents qui se font avaler la carte. Tous ces gens, je les aime. Je viens des HLM, mon ADN n'a pas subi d'OGM. Enfant de culture africaine. Ma SACEM me sert plus à régler les problèmes qu'à m'acheter une BM, que tu comprennes. Je suis pas une star mais un mec connu. J'étale mes valeurs, pas mes revenus. Tout en haut d'Everest, faut que tu saches que je passe plus mon temps à gérer mon vertige qu'à bien profiter de la vue. Ne te fie pas à mon célèbre sourire. J'ai des soucis à la hauteur de ma réussite. Je résiste comme je peux au revers de la médaille. Avec toujours le même équipage autour de mon chapeau de paille. J'ai quelques failles psychologiques, une pathologie due à des failles sociologiques. Mais bon c'est logique quand tu sors de la thèse. Car la rue t'enseigne en te saignant comme ombrage Dolores. Combien comment ont dû faire plus que les autres pour décrocher la lune, ont dû grimper plus que les autres pour atteindre le rivage, ont dû nager plus que les autres pour mettre KO l'adversité, ont dû frapper plus que les autres. Combien d'a priori nous ont jugé plus que les autres. Combien d'amalgames on a subi plus que les autres. Combien de fois on a dû prouver plus que les autres. Combien de fois la paix j'ai dû la chanter plus que les autres. Je suis pas venu faire de discours victimaire ou faire le révolutionnaire. Je préfère un fier père, mère, les mettre au vert, permettre aux petits frères d'affûter leur flair et d'être grand. En voyageant comme Gulliver, car terre a mis nos valeurs à l'envers. Ça joue là en insultant des mères, adobe mère, le poing en l'air. Puis fini comme Homer, sur le canapé, le ventre à l'air. Merde, on n'est pas condamné à perdre, on s'est aimé, on n'est pas condamné à faire la guerre. Même si les médias nous poussent à la faire, à nous de ne pas tomber dans les pièges qui font jubiler la fachosphère. Il est différent et alors qu'est-ce que ça peut faire. Le karcher faut le faire sur ses idées entassées de poussière. Car ce temps-ci on peut allumer 10 fois Las Vegas avec l'électricité dans l'air. Putain je m'emporte alors qu'à la base j'avais prévu de faire un morceau d'anniversaire. Fêter les 20 ans de la colombe avec les 3-4 générations qui ont suivi ma carrière. Arrête de me demander si je fais du rap ou de la variette. Fais du sopra, c'est pas parfait mais c'est honnête. Y'a ceux qui veulent en être et y'a ceux qui veulent être. Je choisis le deuxième car moi je veux être libre. Comme la colombe décollant je me délivre. Qui ne livre rien de mes livres. Rien à foutre leur sapin et leur feu d'artifice. Mes rap des coups de feu sur leur putain d'artifice. Être libre comme la colombe décollant je me délivre. Qui ne livre rien de mes livres. J'ai décidé de revenir avec la plume de la colombe. Voici le nouveau chapitre Freedom. Thank you. KFAI is chuffed to welcome back Cleveland, Ohio Maniacs 200 Stab Wounds Wednesday, July 30th at the Turf Club in St. Paul. With support from Vomit Forth and Weeping, this show is guaranteed to liquefy your flesh from within. Tickets for 200 Stab Wounds, Vomit Forth, and Weeping are available now at First Avenue's website. Visit first-avenue.com for more details. Et voilà, voilà. You're still listening to Bonjour Minnesota on KFAI Radio. This is Freddy. The show is ongoing. We've just listened to Laetitia Sadier with two songs. The first one, Pensée l'inacceptable, and the second one was La Nageuse Nue, which I was surprised. I thought there was some French in it, but I might have missed it. Sometimes my brain is no longer making the difference. Then just now was Soprano with C24 from his album C24 Plus. And Soprano's from the South and very successful, very good guy too. Laetitia Sadier, who's the lead singer of Stereophonics, and they'll be here in the Twin Cities like in the fall. I'm not sure I'll be there because for Thanksgiving I'll be in Paris for 2 weeks, but that's probably going to be before. So we're going to keep going until 10 o'clock, and then that's going to be Balkan Jamboree. We're going to listen to Soviet Supreme, which had big hits in the past. It's kind of like fun songs. And this one is called Qui Complote, who's comploting, with like the theories and things like that, who's hiding what from what. And then two songs from Terland and Terland. And I discovered him like maybe a year ago or so. And I was in love when I first discovered Iron and Wine, who's American, but Terland make me think of Iron and Wine a lot in French. So we're going to listen to two songs. The first one is from the same name as his album or his EP called Mauvais Courant, Bad Current, like in a river. And the second one is called La Traversée or The Crossing. And And then I'll come back after that because we'll have more time for more songs. Allez, on y va. Mais c'est qui complote sur les gens? Mais c'est qui complote tout le temps? C'est qui dit le qui que quoi comment? Qui déclare, qui pipote et puis qui ment? Mais c'est qui complote sur les gens? Mais c'est qui complote tout le temps? C'est qui dirige les dirigeants? Et c'est qui commande le Tout-Puissant? Comment savoir qui dit vrai, qui ment? Qui fait quoi, qui vend quoi, pour qui, pour quand? Qui persifle dans nos têtes, qui capture nos écrans? Qui se cache dans nos crânes et nos tympans? Mais c'est qui complote sur les gens? Mais c'est qui complote tout le temps? C'est qui dit le qui que quoi comment? Qui déclare, qui pipote et puis qui ment? Mais c'est qui complote sur les gens? Mais c'est qui complote tout le temps? C'est qui dirige les dirigeants? Et c'est qui commande le Tout-Puissant? Qui recrute, qui nous scrute et nous raquette? Qui dit chut, qui planifie la planète? Qui pilote tous nos clics? Qui a conquis le cockpit? Qui calcule et qui contrôle l'algorithme? Mais c'est qui complote sur les gens? Mais c'est qui complote tout le temps? C'est qui dit le qui que quoi comment? Qui déclare, qui pipote et puis qui ment? Mais c'est qui complote? C'est qui complote? Mais c'est qui complote? C'est qui complote? Le grand bal des théories est ouvert. Des ovnis, des soucoupes et des tout verts. Il est pas franc le maçon, il est Judas le Saint-Père. Il est voilé le maître de l'univers. Quand s'alignent les planètes, c'est pas net. Des chercheurs d'étymologie suspectes. Des fouineurs d'informations ont fait des révélations qu'il est préférable de garder secrètes. Mais c'est qui complote? C'est qui complote? Mais c'est qui complote? Mais c'est qui complote?

reste à mener. Le vertige, regarder au loin. Choisir, renoncer, rentrer aux aurores, c'est bien loin. Et voilà, voilà, you're back on Bonjour Minnesota on KFAI Radio, and it's almost the end, like only 10 minutes left. We just listened to three songs. The first one, Soviet Supreme, was the title Qui Complote? And Comploté is like a conspiracy theory and that sort of things. Then two songs from Terland with Mauvais Courant. And the second one is just now was La Traversée, and I think it's wonderful. And I hope this guy is going to keep on not playing, but making albums. He was published by La Souterraine, and it's probably a discovery that I did on Bandcamp, because I do a lot of my discovery on Bandcamp, so I hope he's going to keep on going. I don't know how much time we'll have after that. I'd rather say goodbye tonight. For tonight, and I'll be back next week. It might be a pre-recorded show, it's not sure, but it's a good one. And we are always in the archives for 2 weeks on kfai.org, sorry. And otherwise, you can go to archive.org and look for Bonjour Minnesota as a search, and all the shows are there since 2012. So if you missed a show, you can always check it out there. And the links are on bonjourminnesota.com. We're going to listen to two songs from Claire Vincent from her latest album with Ad Vitam Aeternamur. Normally is Ad Vitam Aeternam, forever, but now it's Aeternamur, amour like love. And the first song is Douce Chavirée, soft, I'm not sure, swinging. And the second one is Tombé du Ciel, falling from the sky. And then the third song we're going to listen to is Zélie. And the name of the song is En Rosalie. If we have more time, we'll listen to Tourmobourg, but if we have more time, I'll be back and talk about it. All right, c'est parti, and à bientôt. C'était mon dévolu, ironie du sort, fête inattendue. Je t'aperçois, je t'ai déjà vu. Midi ou minuit, je ne m'en souviens plus. Sur l'océan seulement des vagues, à l'infini s'évadent, font bouger le bateau sous les étoiles. Douce, douce, douce, douce chavirée. C'est la douce, douce, douce, douce chavirée. reflet de la lune, le vent qui se lève, ce n'est que le début. L'eau qui s'étend, le vent qui ne faiblit pas, souffle sur les braises, fait plonger le mât. Suivi les toiles, Chaque soir je sors, sauf que maintenant je m'écoute, je préfère Paris Nord. Y'a plus de chances qu'on peut-être tout ce que j'adore. Petite meuf en jean, taille basse qui se disent mes amours. Tout ce qui m'anime, c'est de passer voir tous mes potes. Je crois que je vais mieux, tout m'émeut. Je te fais mes adieux, tristesse de mes deux. Je crois que je vais mieux, tout m'émeut. Je te fais mes adieux. Oui, oui, j'ai un peu changé. J'ai dû déterrer des peines et des plaies du fond de ma tête. Et j'ai tant détesté ce temps que maintenant j'ai pris le volant dans ce monde violent. Ouais. Ouais, non, mais vraiment, je me sens beaucoup mieux, quoi. Attends, je t'explique. Chaque jour, je sens. Quand on est bien entouré comme moi, je m'écarte des faux amis, je pédale en Rosalie. Oui, oui, oui, madame. Je crois que je vais mieux.